9-4, c'est les yen, yo. Père et jeune. Parce que les flics nous harcèlent. Parce que leur putain de système m'a mis les fers. Parce que la hausse du FN. Parce que la peine a meurtri nos pères. Parce que j'ai vu l'Afrique écorchée par les colons. Parce que sous la blanche colombe se cache la guerre. Le sang a fait leur trône. Parce que les valeurs qu'ils prônent sont des tromperies. Parce que la douleur t'opprime jusqu'à la tombe. Parce que les flammes sont un crucifix. Parce que l'argent justifie qu'on assassine des mômes. Parce que le diable sanctifie là où l'argent fructifie. C'est la merde parce que le bonheur divise. Le malheur divise, on préfère rien nous divise nous. Parce qu'ils ont blasphémé la parole divine. Parce que sous l'uniforme la France de Vichy. Parce que la force s'exprime, on lance roquettes et lance missiles. Parce qu'il y a plus d'homicides quand les jeunes tombent sous les bastos d'un flic. Parce que le fric c'est la morphine du pauvre. Parce que l'espoir devient utopie. Parce que c'est nous contre tous, négro, bouge parmi les lentilles. Parce que le mal nous s'anéantit à la source et crée des lyrics qui les bousculent. Parce que la dalle régit nos actes, les hyènes sur un tas de cadavres. Parce qu'il y a plus d'état d'âme, parce que leur putain de brigade reste armé, parce que les chars ont fait périr les jeunes de Gaza. Parce que je suis de la race la plus haïe du monde. Moi je suis de la race la plus haïe du monde. Yes yo, c'est la hyène au mic. Pour tous les jeunes en péril jusqu'à en périr. Et coule le sang des martyrs. Parce que j'ai mal. Mal au cœur, nos frères meurent. Parce que j'ai mal. J'écris des textes durs, des textes violents. Parce que la rue c'est héroïne, gun, criminalité. Belle jeune, pour tous les jeunes en péril, c'est 400 yens. Tu veux savoir pourquoi on rappe, capuche dealer ça. Parce qu'on pousse comme de la mauvaise graine. Y'a du sang dans nos poésies urbaines. Parce que, et que Dieu nous pardonne nos péchés, j'implore. Maître de la faune, maître de la flore. Parce que, nos vies deviennent des tragédies, hémorragies internes. Négro, le bonheur n'est pas si simple. Parce que, écoute nos cris. Écoute nos pleurs, je t'apprends rien petit, l'enfer est sur terre. Alors j'écris, parce que l'Europe observe l'Afrique meurtrie sur une putain de civière. Parce que, ma reine porte des bijoux entre ses phalanges, made in Africa, et je ne sais d'où. Parce que, qu'ils sèment le désordre dans le cœur des hommes, et l'islam fait peur, caricature indécent. Parce que, paix pour ton âme, pour ta raison, regarde la France assise sur le banc des accusés. Parce que, qu'elle est coupable de crimes de guerre, d'esclavage et ces putains de dérapages, l'Occident. Parce que, les États vendent les armes pour les génocides. Mais t'inquiète, Renoir, ils envoient du riz aussi. Parce que, qu'il y a mort par balle à chaque seconde. Parce que ma rue est violente, parce qu'on est des hors-la-loi. Parce que, notre époque nous bloque devant les portes. Parce qu'on veut être libre, parce qu'on veut survivre. Parce que, qu'on expulse les pauvres dans des charters. Parce que les hommes préfèrent mourir libres sur leur terre. Parce que, ma communauté se replie sur elle-même. Parce qu'on reste les mêmes, parce qu'on reste des hyènes. Parce que, qu'il y a un tas de raisons pour t'écouter nos textes. Parce qu'ils m'ont dit tu vas où toi avec ton rap de test. Parce qu'il y a trop de murs qui séparent les peuples. Je garde encore espoir parce que j'ai fait un rêve. Parce que